fait chanter le monde. Et je crois bien que c'est vrai. Regardez, je chante ces perles. Je ne sais pas très bien pourquoi tous les enfants chantent avec moi. En travaillant, en s'amusant, et quelquefois même en dormant, tous les enfants chantent avec moi. Je les entends reprendre un cœur, et j'ai un petit coup au cœur quand les enfants font la la la la. La la la la la.